Bonsoir, bonsoir. J'attends la connexion avec Marin 2000. Marine, m'entends-tu? Pour ce huitième live de Beauté Imaginée. Encore un peu d'attente du côté de Marine. Combien serez-vous au rendez-vous ce soir pour parler de stress et beauté? On va bientôt le savoir. Marine, es-tu là? Bonsoir, bonsoir. J'attends la connexion avec Marine pour échanger dans ce huitième live de Beauté Imaginée. Ça devrait être imminent. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent ce soir. Alors, Marine, es-tu là? Y a-t-il un petit souci technique? Ah, salut Louis, déjà au taquet pour participer. Je crois qu'on a un petit souci côté Marine. On va voir si c'est résolu dans un instant encore. Puis après, on écoutera le commentaire de Louis. Alors, reconnexion avec Marine. Bonsoir tout le monde. Déjà 5 auditeurs, merci d'avoir accepté ce rendez-vous pour parler stress et beauté. Alors, que se passe-t-il du côté de Marine? Hop là. Je crois qu'elle est également en attente de connexion. Bon, je vais peut-être jouer les commentaires en attendant. Bonsoir, bonsoir. Salut Louis, merci de nous écouter ce soir. On a également Peut-être que tu pourrais Astrée. commencer par les 3 minutes scientifiques pour le temps que Marine arrive. Ah, ça peut être une Bonjour à idée. tous, Salut hâte d'écouter ce Juliette. podcast. Ah, avec plaisir. En fait, je voudrais pas commencer à parler et qu'ensuite on nous reconnecte sur un autre podcast entre guillemets. C'est pour ça que je voulais attendre encore quelques instants. Et sinon, ouais, ça sera une idée de commencer par les 3 belles minutes scientifiques. Bonne idée, Astrée. Alors, on a déjà 7 auditeurs, mais l'invité n'est pas encore là. Ça semble un peu être un problème. Technique, est-ce que Marine n'a pas de réseau peut-être? Alors, je lui conseille d'éteindre et de rallumer pour voir ce que ça donne. Ah, parce que moi j'ai bien eu vos commentaires, donc c'est que de mon côté, ça a l'air de fonctionner. Je ne sais pas encore si Marine va réussir. Est-ce qu'elle a vu mon message? Rare, que de suspense. En tout cas, oui, ce soir, on va parler donc stress et beauté et je vais commencer un peu à teaser du coup ces minutes scientifiques comme me l'a conseillé l'auditrice Astrée. C'est vrai que la semaine dernière, du coup, vendredi, j'avais interviewé Léo pour parler donc de l'épilation masculine. Ça avait été très sympa parce qu'on avait eu beaucoup beaucoup d'auditeurs. Ah, salut Marine, tu as réussi à Ça te y est, connecter. Ça va bien? Tu m'entends bien? désolée, je ne comprends pas pourquoi ça marchait pas. Ah bah pas de souci, c'est Vraiment je ne désolée, peux pas c'est te jamais arrivé dire. comme ça aussi. Bon bah en tout cas je crois qu'on s'entend bien. Tu as des petits écouteurs pour optimiser le son. Je vais essayer d'en mettre d'autres. On va voir si ça fonctionne, parce que vu que je ne sais pas si c'est ça qui a fait tout bugger. Ah Alors, d'accord. faisons un petit Bon. test. Alors. Est-ce que tu m'entends toujours? Ouais, ça Ok. m'a l'air pas mal. Je vais Parfait. commencer mon introduction. Du coup, bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs. Bienvenue dans Beauté Imaginée. Je m'appelle Alice, je suis passionnée par l'univers de la beauté et je travaille d'ailleurs dans le secteur des cosmétiques. Ici, dans mes podcasts, je vais m'intéresser au rapport qu'entretient mon invitée, Marine, avec la beauté et à sa façon d'imaginer la beauté. Et vous, de votre côté, vous allez l'imaginer aussi. C'est la force de l'audio. Si ça vous dit d'ailleurs d'être mon prochain invité, n'hésitez pas à me contacter. Donc Marine, on va parler stress et impact sur la beauté. Merci Oui. beaucoup Marine d'être là. Bah, Est-ce merci à que tu toi. pourrais, avec plaisir, est-ce que tu pourrais me donner ta définition du stress pour toi? Alors pour moi, le stress, c'est une situation un peu de, enfin, quand je suis mise sous pression, d'angoisse, et du coup, ça va avoir plein de conséquences sur mon corps, enfin, à l'intérieur, dans... c'est surtout très psychologique, je pense, parce que les personnes ne sont pas D'accord. stressées devant les mêmes situations. Et D'accord, ouais. voilà. D'accord. Alors, en tout cas, la définition du dictionnaire Le Robert, c'est une situation de tension nerveuse excessive, traumatisante pour l'individu. Donc, ça rejoint ce que tu nous as dit. Je te propose de commencer directement avec notre première rubrique sur tes habitudes de beauté. On va parler un peu du stress dans ton quotidien. Est-ce que toi, tu Très bien. dirais que tu es quelqu'un d'angoissé globalement, de stressé? Alors, un peu quand même, c'est vrai que je ne suis pas la personne la plus sereine au monde. Je stresse assez D'accord. facilement, devant des, soit que ce soit des choses en lien avec ma famille ou avec les études, le travail. Voilà, je suis quelqu'un qui est de nature assez stressée. Après, ça va, hein, mais ça m'arrive régulièrement. D'accord. Que ce soit relationnel ou professionnel, c'est là que Oui. tu peux te sentir stressé. Pas tant dans une situation, il pourrait y avoir du stress, je sais pas, à sortir ou à affronter l'extérieur, tu vois, ce genre de choses. C'est plus dans des... Non. Toi, d'accord. OK. Oui. Et du coup, tu dirais que c'est plutôt des petits épisodes de stress ou tu sens que tu as un peu un stress latent qui aurait tendance à perdurer? Non, plutôt des épisodes de stress, vraiment, ça va voilà, être lié. Un examen, un travail à rendre dans le monde professionnel où il y a beaucoup de choses à faire d'un coup et du coup il faut réussir à prioriser, Oui. ou alors si dans ma famille il y a un souci, c'est vraiment des épisodiques. D'accord, ok. Et comment ça se traduit chez toi? C'est vrai qu'il y a souvent plusieurs façons pour ressentir le stress, donc des problèmes peut-être de sommeil, une boule dans le ventre, tu perds tes mots, une perte d'appétit. On peut aussi avoir un état un peu fébrile, se ronger les ongles. Chez toi, c'est comment en général? Alors moi, mon sommeil ni mon appétit ne sont trop impactés. Mais ça D'accord. va surtout être, je vais y penser en boucle, donc je m'auto-stresse. Ah oui. Du coup, je vais plus avoir une sensation de boule dans le ventre ou la poitrine qui se resserre dans les moments où j'y pense trop. Du coup, D'accord. ensuite, j'essaye un peu de faire le vide, mais au final, c'est quand même dans ma tête, quoi. Donc plutôt boule au ventre. Et ta respiration est impactée, en fait, c'est ça? Oui, je pense aussi, mais ouais. Mais oui, c'est surtout une sensation désagréable, quoi. D'accord. Mais pas Est-ce trop que, de alors, conséquences au niveau du ouais. sommeil, je vais pas moins bien dormir Oui, ou quoi que d'accord. ce soit. Ouais, c'est une fois que tu y penses, tu dis, ah, au fait, je suis stressée encore. Ouais, mais parce que Et souvent, les moments de stress, je suis aussi fatiguée, du coup, la fatigue prend le pas au moment du coucher ah oui, d'accord. Et c'est Oui. pour ça aussi que j'ai... Enfin, bon, après, il y a des gens qui, même fatigués, ont des troubles du sommeil, mais c'est pas mon cas. D'accord. Ça, c'est déjà un très bon point. Je pense que c'est une gêne vraiment pénible Oui, quand oui. on y est sujet. Vous, chers auditeurs, racontez-nous un peu si vous êtes stressé et si vous avez déjà vu un impact sur votre peau notamment. C'est ma question suivante, Marine. Est-ce que tu vois, toi, un impact sur ta peau quand tu es stressée directement? Alors oui, j'en vois plusieurs. Bah déjà moi j'ai des boutons de fièvre, donc ça c'est un virus, tout le monde ne l'a pas. Mais D'accord. quand je suis stressée régulièrement, hop, ça sort, il y en a un petit qui sort. Ah oui, d'accord. Après je suis sujette aussi un petit peu à des petits boutons d'acné qui vont refaire leur apparition, alors que généralement j'en ai pas ou vraiment peu. Aussi des sensations de démangeaison, la peau qui est encore plus sèche que d'habitude et l'envie de se démanger un peu sur tout le corps. Ah, d'accord. Donc, Et en temps normal, enfin, tu dirais que tu as une peau de quel type? plutôt quand même plutôt sèche, attends, mais non, entre normale et sèche. Donc j'ai D'accord. déjà Et pas du une coup, en peau grasse fait, ou quoi que ce ouais, soit, hein, mais le ça stress va accentue accentuer. à un D'accord. point où d'habitude je vais juste avoir la peau qui sera peut-être pas impeccable et là ça me fait des plaques de démangeaison. C'est pas de l'eczéma, mais je vais me démanger le corps à cause de ça. Et aussi, je sais pas si ça peut y être lié. Mais Ouais. souvent dans ces périodes-là, j'ai des pellicules qui apparaissent plus. Alors je sais pas si c'est en lien avec la sécheresse du reste du corps ou pas du tout. Ah oui, c'est Mais possible, ouais, tout à fait. voilà. C'est vrai que si c'est des pellicules sèches, c'est du coup dû à une peau plutôt sèche parce que finalement, la peau du visage est en continuité de la peau du crâne et du coup, tout ce qui est. Enfin, aujourd'hui, c'est une tendance et une façon de s'entretenir, de prendre soin de soi, dont on parle de plus en plus, scalp care, du coup. On l'avait un peu évoqué, je crois, avec Mathilde à l'époque. Et du coup, à quelle fréquence, par exemple, tu as bah, des pellicules comme ça liées au stress ou la peau plus sèche? Enfin, tu as Bah ça, une enfin fréquence en c'est tête? pas vraiment parce que ça va vraiment être lié à des épisodes de stress. Là, il y a quelques mois, j'avais beaucoup de projets à rendre et je stressais sur d'autres choses à plus moyen terme qui arrivaient. Et du D'accord. coup, c'est là que j'ai eu la démangeaison sur le corps, ce qui m'était encore jamais Ah arrivé. oui. Ah ouais, Et d'accord. donc, je ne comprenais pas trop et j'avais appelé ma tante qui est dermato, donc dès que j'ai un Ouais. souci, allô Tati. Et C'est sûr. elle m'avait dit, mais tu es stressée en ce moment? Un peu. Ah ouais. Ah oui, Et voilà. ça n'avait pas loupé. D'accord. Ah oui, ça a été vraiment l'épisode le plus flagrant. Et dès que le stress est redescendu, c'est parti avec. Alors, il y a d'autres produits qui ont aidé, mais enfin, c'était vraiment très lié, quoi. Ouais, d'accord. D'autres produits, du coup, ça c'est aussi quelque chose que je voulais te demander. Qu'est-ce que tu as utilisé? Bah, du coup, elle m'avait recommandé une crème de chez Bioderma, ça s'appelle Atoderm. Et ça D'accord. m'avait bien apaisée. Alors c'est, enfin personnellement, j'aime pas du tout cette crème d'un autre côté parce qu'elle est très très grasse, vu que c'est pour les Ah, peaux d'accord. très sèches à tendance atopique. Et D'accord. du coup, bah quand on met, en sortant de la douche, tu te sens collante de partout. C'est D'accord, pas ça met un peu super, de mais temps à bon. vraiment pénétrer. Ouais, Ouais. d'accord. Mais ça Mais avait été après, c'est très efficace. efficace. Oui, très efficace. D'accord. Parce que toi, tu as ta peau qui a tendance à devenir d'autant plus sèche avec le stress. Donc, c'est Oui, pour ça que ça c'est ça. répondait à ce type de peau précis. On va écouter l'intervention de Louis. Alors moi, en temps normal, du coup, quand je ne suis pas stressé, sujet au stress, ma peau, du coup, il n'y a pas forcément d'acné. Et par contre, les périodes où je vais avoir un examen, un entretien ou quoi que ce soit et que je vais être stressé, ma peau va forcément être impactée. Je vais avoir des petits boutons d'acné, mais pas de grosses crises ou d'autres choses particulières. Voilà. D'accord, Louis. Donc, oui, toi, on voit aussi qu'il y a des petites perturbations. Enfin, tu as vraiment fait le lien entre stress, situation de stress, et du coup, perturbations au niveau de la peau du visage. Donc, comme Marine, finalement, même si Ah, je perds mes mots, ça s'illustre différemment. Et Marine, est-ce qu'en vacances, tu vois que tu as moins ces soucis-là, par exemple, pour vraiment montrer que quand tu es dans une situation de détente, tu as moins la peau sèche, moins ces boutons de fièvre qui apparaissent? Oui, beaucoup moins. La seule fois où j'en ai eu en vacances, c'est parce que je commençais un job d'été et que j'avais peur de mal faire et hop, c'est réapparu. Donc c'était encore une situation de D'accord. stress, mais sinon, Ah en oui. vacances, j'en ai jamais. Après, comme je me souviens pendant un des stéréos précédents, tu avais aussi parlé du lien avec le sommeil. Et Ah bah oui. pareil. En vacances, mes nuits, c'est 9-10 heures, alors que, bah, encore plus en période de stress, mais en période de travail normal, je peux faire des nuits sous stress entre 2, 5, 6 heures. Bah oui. Et Ah mettre oui, le reste du d'accord. temps, c'est 7 heures maximum. Donc, je pense que ça aide Ah pas ouais, non rien à plus. voir. Oui, c'est Ouais. sûr. Bah, tout ce qui va nous affaiblir et nous empêcher d'avoir nos défenses immunitaires, etc., au maximum de leur capacité, c'est sûr que ça va avoir des conséquences. Et là, tu viens de l'illustrer. Et du coup, est-ce que tu avais essayé d'autres produits, peut-être des produits pour réduire le stress pur? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Alors ça, non, je crois pas. Par exemple, prendre des cachets ou des choses comme ça. Voilà, Même ouais. de. De Non, je crois l'homéopathie. pas. Je crois Ouais. Alors peut-être vraiment de l'homéopathie, peut-être une fois, mais je suis même pas sûre. Et après, ça, de la vitamine en des petites capsules là en verre qu'on met le matin, qu'on boit, mais Ah, enfin, d'accord. c'était lié, c'est parce qu'il y avait fatigue, manque de vitamine D en hiver, plus du stress, du coup c'était pour aider un peu. D'accord. Mais voilà, rien de. D'accord. Alors, on a une intervention, Louis encore. Louis, qu'on retrouvera vendredi de la semaine prochaine pour parler de son activité de make-up artiste. Alors moi, quand Ah. j'étais plus jeune, justement pour me déstresser, quand j'avais des examens ou quoi que ce soit, ma mère m'achetait, ça s'appelle Fleur de Bac et c'est censé justement Ah. déstresser et apaiser. Ah oui, puis c'est très très intéressant pour ses vertus naturelles, donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Alors, est-ce que ça avait J'essaierai. fonctionné, Louis? Ah bah ouais, pourquoi pas. Je sais qu'il existe enfin plein plein de sortes de ces fleurs-là, du coup, pour toutes les problématiques que tu peux rencontrer. Donc ça peut être une piste aussi. Et du coup, alors oui, Louis, est-ce que ça avait Oui, été ça efficace? fonctionnait plutôt pas mal. Ah ouais. Ah top. Ah bah alors. Marine, tu essaieras peut-être et tu nous diras. Ouais. Mais Et après, maintenant, ouais. pardon. Oui, Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. psychologiquement, les situations de stress, j'en ai l'habitude, donc je les gère, Oui, mais je vois toujours que oui. ça a un impact sur ma peau, vraiment. Ouais. Ça, je m'en rends bien compte. Ouais. Parfois, j'ai l'impression même que c'est un peu des indicateurs. J'ai pas l'impression d'être si stressée que ça. Et d'un coup, je vais Oui. avoir la peau qui commence à me démanger ou un bouton de fièvre. Et là, je me dis, ah, D'accord. bah finalement, je suis Ah, pas et si là, tu détendue que recoupes. ça. Et Ouais, voilà. là, Et tu souvent, j'ai une retraces et baisse de tu vois les morale d'un coup sources. et je me dis, mince, en fait, c'est comme vraiment une alarme, comme si le corps alarmait en D'accord. disant, attention. Ouais, ça va plus. Oui, c'est un Ouais. avertissement du corps pour que tu répondes mieux à tes besoins fondamentaux, en fait, d'hygiène de vie, entre guillemets. C'est vrai que être détendu, ça en fait partie aussi. Alors, Oui. tout autre sujet avant que nos auditeurs t'imaginent. Est-ce que tu peux nous faire rire peut-être avec une erreur qu'un jour tu aurais faite avec des produits de beauté que tu aurais mal utilisés? Est-ce qu'il y aurait une anecdote comme ça que tu aurais Alors, à nous raconter? je crois qu'une fois, c'était les vacances d'été et je voulais pas bronzer avec des lunettes de soleil pour ne pas avoir la marque. Et le lendemain D'accord. matin, je me suis réveillée avec les yeux qui s'ouvraient à peine, complètement gonflés comme un boxeur qui a pris des coups la Ah là veille. là, Et d'accord. je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Et au début, j'essayais de mettre de l'eau chaude pour détendre. Donc je me mettais sous la douche avec de l'eau chaude pour essayer de détendre comme si c'était musculaire ou quoi que ce soit. Je crois que j'avais mis D'accord. des crèmes hydratantes, mais vraiment classiques. Et donc là, à nouveau, j'ai appelé ma tante qui m'a dit, bah, là, tu viens de faire Ouais. une réaction au soleil. Du coup, en fait, Ah surtout là pas de là. chaud et surtout pas de produits type crème D'accord. hydratante classique parce que ça empire tout. D'accord. Donc, Ah, ok. parce que l'eau, c'est calcaire, du coup, c'était enfin. Et donc, en fait, Ouais. je me suis rajoutée 24 heures avec les yeux enflés à faire Ah là n'importe quoi là. moi-même. Ah. Mais Elle t'a voilà. Donc conseillé du coup de ne maintenant, rien mettre du tout? de nettoyer le visage, mais avec de l'eau Oui. micellaire, surtout pas d'eau, D'accord. du robinet, D'accord. et Ok. mettre des petits patchs sous les yeux, là, achetés en pharmacie, qu'on mettait au frigo à froid. Décongestionnant. Et du coup, exactement. Donc ça faisait du Ah oui, froid, d'accord. mais voilà, mieux que le chaud. Oui, il fallait de la fraîcheur pour réduire la dilatation en fait et la Oui. vasodilatation quoi. D'accord. Ah oui, ça c'est Voilà. pas cool quand c'est tout Non, l'inverse de ce donc que tu avais maintenant, prévu. Tous les étés, je garde des lunettes de soleil et j'ai des grosses Ouais. traces. Mais et même pour tes yeux purs, c'est mieux, Oui, sans oui, parler de oui. la peau. Et est-ce que tu aurais un produit de beauté incontournable ces temps-ci à nous partager? Ah oui, et en plus c'est drôle parce que j'ai entendu avec Maman Soso l'autre fois qu'elle utilisait la même. C'est une crème de chez Léa Nature pour hydratante pour D'accord. le visage à l'aloe Ah vera. oui. Et je l'avais D'accord. aussi découverte un peu comme ça en cherchant une nouvelle crème hydratante parce que la mienne était terminée. Et elle est, D'accord. enfin moi je la trouve vraiment super, bien hydratante sans rester trop grasse, qui pénètre facilement. Donc voilà. Ah, c'est marrant, d'accord. Coïncidence, ok. Ouais. D'accord. On va passer à notre rubrique Les auditeurs t'imaginent. Chers auditeurs, dans Beauté Imaginée, les auditeurs imaginent de leur côté mon invité. L'imaginaire, c'est aussi la force du podcast. Selon vous, quel âge a Marine? On a peut-être eu quelques indices dans la rubrique précédente. On va voir ce que ça a inspiré à nos auditeurs côté âge. Est-ce que quelqu'un se lance pour deviner l'âge de notre invitée Marine ce soir? Avant que nous embrayons sur les 3 belles minutes scientifiques. Alors, on a une première à Elle a Juliette. l'air d'être Merci Juliette. étudiante, en même temps elle a l'air assez mature, donc j'aurais dit 22, genre en fin d'études. 22 ans en fin d'études. Ok Juliette, Moi, je oui. dirais une petite vingtaine d'années, mais peut-être que je me trompe. D'accord, petite Je vingtaine pense d'années que pour lui. Marine a 23 ans. 23 ans pour Astrée. Alors, Ok. Marine, dis-nous tout. Eh bien, j'ai 21 ans, donc tout le monde était dans la bonne moyenne d'âge. Ah ouais. Ah, bien joué les auditeurs. C'est Ouais, sûr que dès que bravo. tu donnes des indices sur des études, Sur les études, ça donne une exactement. Parfois, bonne j'essayais de dire fourchette. je travaille, mais pour Ah les examens, ouais. oui. Oui. Ouais, ça. Et peut-être que ça veut dire que ta voix aussi peut-être a indiqué un peu ton C'est âge. En possible. général, on te donne plutôt plus ou moins? Plutôt un petit peu moins. Quand on me D'accord. voit physiquement. Bah là c'était l'inverse. Okay. Je ne sais pas si Voilà. tu le prends bien ou pas. Oui, pour l'instant, à mon âge, je le prends plutôt bien. Ouais. Chers auditeurs, combien de temps, selon vous, Marine passe-t-elle dans la salle de bain le matin? Pour un jour classique, on va prendre un jour de cours, pourquoi pas, pour se préparer normalement, si je puis dire, quand il n'y a pas confinement, etc., pour voir des gens de son quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez? Sachant que ça prend tout en compte, hein, la préparation, la douche, etc. Astrée, qu'en Je penses-tu? pense qu'elle met 20 minutes dans la salle de bain. 20 minutes en tout dans la salle de bain pour Astrée, Je pense Juliette? qu'elle prend pas mal de temps sans y rester non plus des heures. Je dirais 30 minutes. Je pense qu'elle fait assez 30 attention. minutes. Ok. Sachant que la dernière fois, j'avais vu sur Internet que le temps moyen pour les Français, c'était entre 15 et 30 minutes en général. Et Louis? Bah, je dirais, comme les émissions précédentes, une demi-heure, Ouais. hein, comme d'habitude dans la moyenne. C'est ça, on prend pas de risque. Alors, est-ce que tu vas nous surprendre ce soir, Marine? Eh ben malheureusement non. En effet, je suis autour des 30 minutes avec douche comprise. J'ai déjà essayé de réduire ça quand je suis en retard, ce qui arrive souvent, Ouais. mais j'ai jamais vraiment réussi. Donc en moyenne, c'est autour de 30 minutes, voire un petit peu plus parfois. D'accord. Ah, d'accord, plutôt plus. Tu aurais plutôt tendance à dépasser du coup. Ouais, enfin Si on de 5 devait minutes, quoi, mais voilà. Ouais, voilà. Plutôt bien 30 que 20, comme a dit, je sais plus, c'était Mathilde, je crois. oui, c'est ça. Astrée, je crois, là, pardon. Mais je crois qu'il y a une double personnalité, Astrée Mathilde. Et du coup, je vais dévoiler ta photo mystérieuse sur Instagram. Est-ce que pendant ce temps, tu peux te présenter, nous dire un peu ce que tu fais dans la vie, tes hobbies, pourquoi pas, s'il te plaît? Ok, bah, du coup, je m'appelle Marine, j'ai 21 ans, je suis en troisième année d'études supérieures, je fais Sciences Po Lille. Et mes passions, du coup, bah, j'aime beaucoup faire de la voile, donc l'été, je suis mono. Et j'aime Ah, beaucoup voyager. Et d'accord. voilà. Et après, mes D'accord. mathématiques, etc., je suis très intéressée par l'environnement, du coup, moi, je veux travailler Ah. là-dedans plus tard. Ouais. D'accord, intéressant. Et du coup, mono de voile alors, depuis combien de temps? Oui. L'année dernière, c'était ma première saison. Avant, j'étais en formation et encore avant, j'étais aide-monitrice dans mon club. D'accord. Depuis que je suis toute petite. Donc voilà. Ok. Ah bah c'est sympa ça, c'est original. Eh bien, c'est parti, vous pouvez découvrir donc Marine, sa photo mystérieuse, ainsi que la photo de sa salle de bain sur mon Instagram Beauté Imaginée. Alors, nous passons à la rubrique Les 3 belles minutes scientifiques. Alors, en fait, la semaine dernière, Léo s'était intéressé au sujet des rougeurs par la peau. Est-ce que ça t'arrive parfois, Marine, toi? D'avoir Un des petit petites peu rougeurs. parfois, mais c'est pas très Ouais, fréquent non c'est plus. pas un sujet. Eh bien, tu sauras pour le conseiller peut-être à Ouais, quelqu'un. Il voulait aussi, pourquoi pas, quelques conseils dessus. Bon, déjà, si quand vous avez certaines plaques rouges avec des squamations, par exemple, donc la peau qui pèle, là, ça peut relever d'une pathologie. Dans ces cas-là, il vaut mieux toujours demander conseil en pharmacie ou à votre tante dermato. Si, le cas échéant. Mais pour ce qui est des rougeurs un peu plus classiques d'une peau sensible, il y a beaucoup de causes différentes en fait. Déjà, ça peut être un nettoyage trop agressif, par exemple avec des gommages abrasifs ou des nettoyants un peu irritants, comme l'eau micellaire qui peut avoir un côté un peu irritant. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux, si votre peau réagit à ce type de nettoyant, il vaut mieux une eau florale, par exemple la camomille qui va être plus douce pour votre peau. Les rougeurs, ça peut aussi être dû à un trop-plein de produits si on a une routine un peu trop lourde. Il y a aussi tout ce qui est frottement de la peau. Avec une serviette, par exemple, ça peut la faire rougir éventuellement. Donc, il vaut mieux tapoter pour sécher, pour absorber l'eau. Une autre cause aussi, c'est bon, bah, les coups de soleil, bien sûr. Et il peut y avoir un parallèle avec notre thème de ce soir, puisque parfois le stress peut causer des rougeurs. Donc, dans ce cas-là, en fait, c'est les hormones qui, produites en cas de stress, jouent directement sur la circulation sanguine et vont entraîner soit une vasodilatation, donc là, c'est le débit sanguin qui augmente, soit une vasoconstriction, donc là, c'est l'inverse, c'est la diminution du diamètre, en fait, des vaisseaux sanguins. Et donc, quand il y a vasodilatation, comme le diamètre du vaisseau sanguin augmente, eh ben, on va avoir plus de rougeurs à ce moment-là. Et à l'inverse, d'autres personnes vont être très pâles quand elles sont stressées. Donc, il y a vraiment ces deux extrêmes possibles. Alors, niveau produits contre les rougeurs, il existe certains produits pour les atténuer, en effet. Il y a des sérums, en fait, spécialement formulés pour peau sensible. Et puis, de toute façon, pour une peau sensible, comme pour toutes les autres, c'est toujours important de bien la nettoyer et de l'hydrater. Donc, je pense que avant tout, il faut essayer de trouver la cause de vos rougeurs, si vous en avez. Alors, Marine, c'est parti maintenant pour notre rubrique du vrai-faux. On va Ah. avoir 7 questions avec une question bonus. Donc, ça nous fait un total de 8 questions. Tu vises quelle note, toi, Marine, ce soir? Oula, je sais que le record à battre, c'est le sans faute. Exactement. Disons 6 sur 8 ou 5 sur 7, si on compte pas D'accord, la question ok. bonus. On va dire, donc tu espères un 6 sur 8, c'est vrai que ce serait une belle performance. Alors, première Ouais. question, chers Si je peux auditeurs, je faire compte moins sur vous. aussi. Ah bah oui, c'est sûr. On va voir, on va voir. N'hésitez pas à participer, à nous donner votre avis sur les affirmations que je donne. Sont-elles vraies ou sont-elles fausses? Première, la peau d'une part et le système nerveux d'autre part proviennent du même tissu au stade embryonnaire, vrai ou faux, Marine? Oh, et le système nerveux. C'est dur, Ah hein? Ça commence mal. oui. Bah, je sais pas, je dirais que c'est vrai vu tous les liens qu'il peut y avoir. Ça m'étonnerait pas que ce Ouais. soit vrai. Tu dis que ça pourrait justifier le fait qu'il y ait un lien entre le stress et du coup la peau Ouais. ensuite, comme dans ton cas. Est-ce que ça inspire quelqu'un, cette affirmation-ci? On va voir si quelqu'un se propose. Vrai ou faux, la peau et le système nerveux proviennent du même tissu lorsqu'ils sont au stade embryonnaire, donc dans le ventre pendant la grossesse. Alors, Moi j'aurais Juliette, dit faux, je sais pas, je trouve ça un peu gros. tu trouves que ça serait un peu trop facile pour justifier les rapports, les impacts Ouais, du stress sur la peau. Et Louis? Alors moi je dirais oui, mais il faudrait que je regarde mes vieux cours de cosméto. Ah, tu n'auras pas le temps. Le but, c'est de pas tricher. Je ne sais pas si dans tes examens, c'est le cas en ce moment, Marine. Les professeurs essayent de trouver des moyens pour qu'il n'y ait pas le temps de Oui, tricher quand vous êtes à la c'est maison. ouais. Je vais devoir y penser aussi. Eh bien, c'était vrai. Donc, Ah. bravo Marine et bravo Louis. En effet, ils proviennent du même tissu cellulaire et ensuite, du coup, ils restent liés à vie. Ils ont une action l'un sur l'autre via les hormones notamment. Donc, on a OK. déjà une bonne réponse pour toi. Deuxième, le but du corps quand on est stressé, c'est qu'on puisse être réactif face au danger qui nous a stressé, vrai ou faux? C'est possible que ce soit vrai parce que je sais qu'il peut y avoir du bon stress aussi qui permet de sécréter de l'adrénaline, enfin d'être vraiment réactif. Après, ça a aussi des côtés négatifs, mais du coup, je dirais vrai. D'accord pour toi. C'est vrai. Est-ce que Louis a le même C'est avis que vrai, toi? je pense que c'est vrai. L'instinct de survie, ça s'appelle. C'est clair. Bon, bah, en effet, bien joué à tous les deux. Ouais. En cas de stress, en fait, notre cerveau va sécréter du cortisol. C'est l'hormone du stress. Il va aussi sécréter de OK. l'adrénaline pour que la priorité, au final, soit donnée à nos organes vitaux et aux muscles. C'est pour ça, en fait, que le stress aura un impact sur la peau. La peau n'étant pas un organe vital, elle sera moins bien alimentée par le sang que les autres organes et que les muscles. Il y a un petit sacrifice qui est fait. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment la cause essentielle des impacts que tu peux voir sur ta peau. Et apparemment, le corps a la même réaction face à un danger si c'est un stress quotidien ou si c'est vraiment un danger pour notre survie. C'est les mêmes hormones qui sont sécrétées en fait. Donc c'est Ah en ouais, c'est ça que cool. le stress quotidien va avoir un impact négatif sur notre peau. Et en fait, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que le stress, il va déclencher des maladies de peau déjà génétiquement programmées chez une personne. Donc ça, c'est totalement illustré parce que tu nous racontais tout à l'heure, Marine, quand tu disais que tu as une tendance, voilà, à la peau sèche et qu'elle est encore plus asséchée quand tu es stressée, bah, ça va complètement dans ce sens. Et pareil pour tout ce qui est bouton de fièvre, c'est en fait une pathologie que tu as en toi, entre guillemets, et qui est réveillée par ton stress. Donc, on ne va pas forcément créer une nouvelle maladie, mais si on en a déjà une latente un peu, elle va être réveillée comme ça. Troisième question, Marine. En cas de stress, l'adrénaline qui est sécrétée va entraîner une déshydratation de la peau et un vieillissement cutané. Vrai ou faux? Bah, du coup, vu ce que tu as dit pour la question d'avant, je dirais vrai. Tu penses que Vu c'est que vrai? ouais, ça s'occupe plus, ça délaisse la peau pour s'occuper des Donc tu fonctions penses vitales. que... D'accord. Est-ce que vous aussi, chers auditeurs, vous pensez que c'est l'adrénaline qui va entraîner cette déshydratation de la peau et un vieillissement cutané au passage en prime lorsqu'il y a stress? Dites-nous. J'attends. Ah, Je est-ce vous que tu laisse as pu faire écouter. un piège et que ce soit l'autre hormone qui entraîne ce vieillissement? C'est fort probable, Marine. Ah Rappelle-nous. mince! Le stress, le soleil, ça c'est sûr, ça fait un vieillissement cutané. Donc je dirais Le vrai. stress et le soleil, d'accord. Alors toi, tu dis vrai. Là, je parlais vraiment de l'hormone, l'adrénaline. Mais Ah! en l'occurrence, le stress, tu as raison, Louis, entraîne bien une déshydratation de la peau et un vieillissement cutané. Par quel biais maintenant? Est-ce que c'est l'adrénaline ou est-ce que c'était l'autre hormone, la cortisol? Le cortisol, Ah, d'ailleurs, vrai, parce pardon. Je qu'on crois que voit c'est bien l'autre. chez les hommes politiques, dès qu'ils se lancent en politique, après, ils ont l'air tout ridés à cause du stress. Ils ont des peaux Bah à oui, c'est moitié marrant ça. blanches, des barbes. Ah ouais, oui, ça agit pas mal. Et Moi, je dirais Astrée, plutôt faux. plutôt faux. Alors bah du coup, je crois qu'il n'y a qu'Astrée qui a eu bon, mais Eh elle a oui. réagi peut-être Ah. un peu après coup, donc ça a peut-être Mince, facilité les j'ai vu choses. le Ouais, piège Marine. qu'après. C'est ça, bien. Tu as vu où était le piège, mais oui, c'était bien ça. C'est pas l'adrénaline, ce serait plutôt le cortisol qui aurait cet effet. Donc c'est l'hormone du stress pur. En fait, avec un stress régulier, on est dans cet état de mobilisation du corps. pour les organes vitaux et les muscles, on l'a dit. Du coup, les nutriments présents dans le sang sont proposés en priorité à ces organes vitaux et aux muscles. Et dans ce cas-là, la peau reçoit moins ce dont elle a besoin. Et ce dont elle a besoin, c'est des nutriments, de l'oxygène. Elle va du coup se déshydrater parce que elle a plus les cellules qui permettent de retenir l'eau dans ses différentes couches. Et elle se régénère en plus moins bien, elle se fragilise. Et donc, autre point de vue, en plus de cette carence de nutriments pour la peau, c'est le fait que le cortisol affecte notre système immunitaire et contribue à la dégradation du collagène. Or, le collagène, ça permet notamment l'élasticité de la peau. Et sans élasticité de la peau, on a une peau qui vieillit puisque c'est sans élasticité qu'elle a tendance un petit peu à retomber. Donc voilà, c'est les deux grands effets. Ah bah Oui. si tu nous pièges aussi, hein, mince. Et oui, il faut écouter chaque mot. Ouais, c'est sûr, c'était pas facile. On Donc fera on plus a attention. du coup, c'est ça, on a deux bonnes réponses et une fausse. Et donc quatrième affirmation, une bonne respiration en profondeur un effet sur la qualité de la peau. Vrai ou faux, Marine? Alors, si je réfléchis, je vais dire que ça doit oxygéner la peau, donc ça doit lui faire du bien. Si on fait un lien très long, le stress pour le réduire et aider, il faut faire des exercices aussi de relaxation, respiration, yoga, tout ça. Et ensuite, ça sera bénéfique pour le corps. Donc, je vais dire vrai. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette affirmation, chers auditeurs, dans Beauté Imaginée, dans notre quiz vrai-faux? On s'intéresse donc à l'impact qu'a le stress sur notre peau. Et là, nous venons de proposer une affirmation. La bonne respiration en profondeur aurait-elle un effet sur la qualité de la peau? Marine dit vrai. Que nous dit Félix Gauthier? Salut Félix! Je suis très stressé, alors j'ai Ah oui. peur que ma peau devienne sèche, car je n'aurai Ah. plus de collagène. Ah. Je C'est tiens à vous entraînant, c'est dire que c'est entraînant. un peu une préoccupation, car mon travail est très stressant. Alors j'aimerais savoir comment faire pour être moins stressé, avoir moins de cortisol pour ne pas que ma peau devienne sèche, comme une toast brûlée qui a passé trop de temps dans le Stressé. grille-pain. Ah. Merci beaucoup. Eh ben Félix, Ami, si tu veux tu as bien mettre, retenu. c'est ça, si tu veux Ouais. mettre en chanson tes paroles, c'est Totalement, intéressant. ouais, parce qu'il y a tous les mots-clés et tout. Ouais, très intéressant, Ouais. Félix. Il faudrait savoir ce qui te stresse dans ton travail, en fait, parce que le mieux, c'est sûr, c'est de gérer la cause du stress avant même de voir, de s'intéresser à la peau, finalement, parce qu'on peut mettre tous les produits qu'on veut. Si la source du stress n'est pas réglée, malheureusement, ça va être difficile d'éviter cette peau de grille-pain que tu as l'air d'avoir. Et Juliette, Si alors? logique, ouais, je dirais vrai, mais comme je fais que me tromper depuis tout à l'heure. Et Je le Louis? dirais assez vrai aussi, je pense. Enfin, je sais pas. Ouais, là, je... Tu sèches. À défaut d'avoir une peau sèche, tu sèches. Alors, c'était vrai, bravo. En effet, Ah. la respiration a eu un effet indirect. Si tu respires longuement, profondément, durant plusieurs secondes, ça va faire baisser ton stress. L'apport d'oxygène qui en résulte, par rapport à une respiration, tu vois, qui aurait tendance à être un peu saccadée, va alimenter tes globules rouges et donc tes organes, tous tes tissus et ta peau. Donc, c'est les globules rouges qui vont aider et qui sont apportés et créés suite à cette respiration en profondeur. Et en plus, une respiration en profondeur va éliminer les toxines. Donc, c'est tout bénef. Ça veut dire que dès que vous êtes un peu Super. stressé, Félix notamment, hop, on se concentre, on prend quelques secondes pour une bonne respiration. Astier? La blague n'est pas validée. La blague de sèche peau sèche. Ah, je suis déçue. Et Félix? Je tiens à dire que je passe énormément de temps sous la douche, alors Ah. j'aimerais savoir si ça peut avoir un impact. Ah, sur le stress, bah à mon avis, c'est plutôt détendant et ça va t'aider à avoir une bonne respiration en profondeur de passer du temps sous la douche. Je me dis du coup. Et puis si en plus ça te fait chanter d'être sous la douche, c'est aussi quelque chose qui va t'aider à respirer en profondeur. Donc ouais, je suis Je pense. Alors, du coup, nous avons eu une bonne réponse à nouveau. On est à 3 bonnes réponses sur 4, Marine. Cinquième Oui. affirmation. La peau du contour de l'œil est différente. Tu en as un peu parlé tout à l'heure avec ta mésaventure au soleil. Elle est différente car elle est un peu plus épaisse, en fait, que le reste du visage. Vrai ou faux, Marine? Épaisse. Alors moi, au Qu'en contraire, penses-tu? Tout, tout, j'aurais tout. peut-être dit fine. Je me mets à chanter aussi, mince. Ouais, Toi, t'aurais dit plus fine plutôt. l'impression qu'elle est plus soumise à différentes agressions. Je suis en D'accord. train d'observer ma peau dans le miroir, mais ça m'aide pas beaucoup. Allez, je dirais faux D'accord. parce que j'ai toujours pas dit faux. D'accord, tu penses que c'est faux. Salut Alexandre, que nous proposes-tu? Moi, je dirais que c'est... Oh, Alexandre! Louis! Oh là là, on nous la fait pas à nous, hein. Faux, la peau est beaucoup plus fine. Ah, merci Ah. Louis. On J'irai va voir, on plutôt va faux. voir. C'était Astrée et Oui, pour moi, elle Juliette. est plus fine. Quand je regarde au niveau de mes paupières, ça a l'air beaucoup plus fin. Ça fait même mal quand on s'épile les sourcils. Ah, argument, ouais, intéressant. Eh bien, bravo à tous. En effet, le piège n'était pas assez subtil. C'est faux. Les cernes sont une région spéciale du visage, oui, où la peau est extrêmement fine et où la circulation sanguine et lymphatique est assez faible. Donc, il y a énormément de petites veines dans cette zone. Et comme la peau au-dessus est fine, on voit les veines bleutées en fait en transparence. Le côté, la couleur un peu bleutée de la cerne, c'est dû à l'accumulation des pigments qui sont présents dans le sang à cet endroit et qui sont bien moins éliminés puisque ça va un petit peu plus stagner, tu vois, quand ça passe à cet endroit-là. Donc c'est bleuté parce que quand une veine revient vers le cœur, elle a moins d'oxygène et apparemment du coup elle a des pigments plutôt bleus à ce moment-là. En tout cas, D'accord, je m'étais le jamais posé la stress. question, mais c'est intéressant. Ah oui, mais est-ce que tu mettais le même produit, ta crème hydratante, est-ce que tu l'appliques aussi sur ton contour de l'œil ou pas Non, parce spécialement? qu'on m'a déjà dit que c'était pas bien, mais du coup, je mets rien. Oui, d'accord. Bon, Qui est pas forcément bien non plus. c'est à cet âge-là, entre guillemets, à ton âge, ça va. Je pense que y a pas, c'est pas dramatique du tout. En tout cas, le stress, il va aggraver les problèmes de drainage. Donc le drainage, c'est tout ce qui est circulation du coup. Du sang et les cernes du coup vont avoir encore plus tendance à être visibles, comme si elles étaient un peu gonflées en fait. Petite astuce du coup pour cette zone, il faut donc éviter, on l'a dit, d'appliquer un produit trop trop riche, comme par exemple si tu mettais du beurre de karité, là ta peau elle saturerait complètement, elle n'arriverait pas à absorber tout ce qui est corps gras dans ce produit-là. Donc c'est pour ça qu'on dit de ne pas forcément utiliser le même produit que celui qu'on utilise sur notre peau. Et toi, en l'occurrence, qui aurait plutôt une peau à tendance sèche, tu vas plutôt appliquer une crème hydratante assez riche pour nourrir ta peau. Et si tu l'appliques trop autour de l'œil, peut-être que ta peau va pas réussir à absorber tous ces lipides en fait. Donc on va plutôt utiliser un produit adapté à la peau du contour de l'œil. Et sinon, quand tu l'appliques, autre chose à savoir, c'est bien de le faire en tapotant du coin interne vers le coin externe pour aider au drainage de la veine à cet endroit-là. Alors, Félix encore. J'ai actuellement 22 ans et ma peau ressemble au désert du Sahara. J'aimerais Ah. savoir si c'est normal et si vous avez des solutions pour ce problème. Pour ce problème. Alors, désert du Sahara, ce serait la peau très sèche. J'avais fait déjà un live sur la peau grasse que tu peux écouter, Félix, avec plaisir. Peut-être qu'un jour, nous pourrons échanger sur la peau sèche parce que c'est aussi une thématique importante. En tout cas, pour ce qui est du produit contour des yeux et de la zone contour des yeux, voilà, il y a quand même des petites choses à savoir, voilà, comme le fait de pas mettre quelque chose de trop riche et l'astuce de drainer un petit peu en appliquant vos produits. Alors, chers auditeurs, on passe à notre sixième affirmation dans notre quiz vrai-faux. Marine, pour l'instant, tu as 4 bonnes réponses sur 5. Dans une Ça va, étude c'est mon objectif. scientifique, ouais, on a étudié plusieurs couples. Les boutons des couples qui s'entendaient bien cicatrisaient mieux. Vrai ou faux, Marine? Bah, à nouveau, si on fait toutes les petites causalités, je dirais que c'est vrai parce que ça, bah, ça, enfin, c'est une source de stress aussi, le fait de mal s'entendre. Et donc, tout ce que tu disais aussi sur oxygénation de la peau tout à l'heure et même régénération cellulaire, je pense. Bah ça doit aider le fait de bien s'entendre, de pas être stressé, etc., comme le reste, l'hygiène de vie et tout. Donc, je dirais vrai. Je pense que du coup, le fait de se disputer en couple, ça aurait un impact sur la cicatrisation des boutons suite à tout ce qu'on Ouais. a dit. Alors, chers auditeurs, est-ce que vous êtes d'accord avec Marine pour cette affirmation-ci? On a Louis. Je suis assez d'accord avec toi, du coup, Marine. J'approuve Merci. ce que tu as dit. Ouais, tu penses que c'est réussi? Merci beaucoup, Louis, de ta participation active. Juliette Oui, aussi, je crois que j'ai mal merci. compris la question, mais je trouvais ça un peu Ah. chelou, j'aurais dit faux. D'accord, toi tu trouves que ça a l'air un petit peu gros comme affirmation. Eh bien pourtant, c'est vrai. Bravo Marine, bravo Louis. Alors ouais, il y a eu une expérience scientifique comme ça qui a rassemblé plusieurs Ah, c'est couples drôle, et a étudié, ouais c'est original, la hein? façon dont les personnes étaient capables de cicatriser. Or, pour qu'un bouton disparaisse, en effet, il doit cicatriser. Et pour cela, il a besoin de nutriments et de plein de cellules, notamment du système immunitaire. Et évidemment, ces cellules, par quoi elles lui sont apportées et transférées, selon toi? Par le sang. L'oxygène, ah, le sang. Bah, voilà, c'est par le sang directement que la peau reçoit tout ce dont elle a besoin. Et du coup, les personnes qui connaissent une vie de couple stressante au quotidien, bah, on l'a dit, le stress va avoir un impact sur les apports qui sont donnés, les apports qui sont faits à la peau, et notamment sur tout ce qui est cicatrisation. Donc, c'est pourquoi quand on est stressé, le corps sacrifie en fait certaines fonctions pour avant tout alimenter les organes vitaux et les muscles. Et en l'occurrence, la cicatrisation est mécaniquement sacrifiée du coup. Bien joué, Marine. Septième question, donc c'est l'avant-dernière, puisqu'après, on a notre petite question bonus. Les liens entre stress et acné sont encore hypothétiques. Vrai ou faux? Ah, excuse-moi, avant que tu répondes, je n'ai pas encore écouté les réactions donc de Muski. Salut, Moi, je Muski! pense que l'affirmation est vraie parce que bah, surtout par rapport au stress, on voit pas à quel moment le stress peut aider la peau dans un bon sens. Enfin, ouais, moi je suis d'accord avec Marine. D'accord. Bien joué, Muski. Tout à fait. C'était vrai. Je précise que le commentaire de Muski a été envoyé avant que je dévoile la réponse. Et Félix? Je suis très d'accord avec Marine. Ah, bien joué aussi, Félix. On a Astré. J'irais plutôt vrai. Ah, Pardon, alors désolé. là, alors excuse-moi, Marine. Pas de Est-ce que soucis. tu peux nous répondre? Peut-être que l'intervention d'Astré t'a complètement aiguillé. Les liens entre stress et acné sont encore hypothétiques. Vrai ou faux? Bah, en vrai, ouais, je sais pas du tout. Parce que j'ai l'impression que enfin, dans les affirmations qu'on dit régulièrement, comme ça, sans avoir vraiment de connaissances scientifiques, on dit que c'est lié. Donc, je me dis que ça sort bien de quelque part. Je dirais que c'est. En même temps, si tu poses Tu la as peur de question, oh là casser ta là. note. Ouais. Allez, je dirais que c'est faux et que ça a été prouvé. Toi, tu penses que c'est faux et que ça a été prouvé. Astrée nous a dit, du coup, J'irais si plutôt je ne vrai. m'abuse, ah, que c'était vrai, donc elle n'est pas d'accord. Oui, pour moi, il y a Juliette? carrément un lien entre stress et acné. Ok, tu es d'accord avec Moi, je Marine. dirais Félix? faux. Je crois que l'acné est très relié au stress. Et Donc, mais. je Ouais, pense que pardon. l'explication est aussi reliée à la cicatrisation et à la régénération des cellules du corps. Ouais. Ça semble se tenir, Muski. Moi, je dirais que c'est faux, le lien entre. Ah, je Oh crois là que là, j'ai Muski a raté faim mon deux fois. précédent vocal, merde! Moi, je dirais que oui, les liens sont encore hypothétiques parce que je pense que l'acné est plutôt lié bah, à tout ce qui est développement hormonal et c'est pour ça que bah, plus tu vieillis, moins t'en as. Et pourtant, bah, plus tu vieillis, plus t'es stressé finalement. Donc voilà. Et oui, Et c'est lié, c'est sûr, je suis d'accord, c'est lié. oui. Alors, beaucoup de Ouais, je réponses m'entends très bien sur avec Louis. cette question. Ouais, j'avoue, vous êtes assez en phase. Du coup, bravo, parce que en effet, ça a été identifié, ça a été prouvé ce lien-là. Ah, Tu ouf. pourras demander peut-être à ta tante dermatologue, pourquoi pas, de donner plus d'infos sur ça. Mais oui, c'est un dermatologue du coup qui expliquait que l'acné est une maladie des glandes sébacées qui fabriquent le sébum dans notre peau et il a été découvert sur ces glandes sébacées des récepteurs aux hormones produites par le stress. Donc, en cas de stress, les hormones qu'on sécrète agissent sur ces glandes sébacées et détraquent un peu leur production de sébum. Donc, quand on a déjà une maladie qui est l'acné, en l'occurrence par rapport à ces glandes sébacées, eh ben, ça va être aggravé par le stress. Donc, bien joué. Et ensuite, nous avons notre question bonus. Pourquoi bonus? Parce qu'elle ne répond pas tout à fait au thème de ce soir, mais elle répond à une question. Que nous avait posé un auditeur lors du précédent live, et je suis contente car c'est Louis qui nous écoute activement ce soir. Donc, pendant le live avec Léo vendredi dernier, l'auditeur Louis avait soulevé une question sur le marché des rasoirs. Donc, voilà, je voulais vous donner la réponse ce soir. Selon toi, Marine, le marché du rasoir féminin a le même poids que le marché du rasoir masculin en termes de chiffre d'affaires, vrai ou faux? J'entends tout ce qui est vente de rasoirs et de lames. Qu'est-ce que Donc, tu en rasoir penses? jetable où on comprend aussi les rasoirs électriques, etc. C'est global, ouais. C'est Ok, et les... tout. Je suis peut-être un peu relou, mais est-ce que les Non, vas-y, épilateurs, vas-y. ça rentre dedans? Non, là, c'est vraiment les. Ah Ok, oui, tu veux dire les rasoir, rasoir. épilateurs qui ont en plus la fonction rasoir, rasage. Ouais. Parce que là, Mais c'est ok. vraiment rasoir et lame. Rasoir. Donc Ok. moi, je le prends au sens voilà, du simple, du. De l'appareil de rasoir, alors qu'un épilateur qui a une option, ça, je pense que ça rentre plutôt dans les tout ce qui est Ouais. appareil Épilation. d'épilatoire. Ok. Donc, Et tu peux répéter la question, s'il te plaît? alors, selon toi, le marché du rasoir féminin a le même poids que le marché du rasoir masculin en termes de chiffre d'affaires? Ça serait kiff-kiff entre féminin et masculin pour tout ce qui est rasoir et lame. Vrai ou faux? C'est compliqué parce que d'un côté, les hommes, ils en utilisent a priori plus avec leur barbe. Mais les Ouais. femmes, pour tout ce qui est rasage, celles qui s'épilent pas, bah, aisselles, jambes, tout, bah, elles en utilisent aussi Ouais. beaucoup. Et a priori, les hommes vont moins se raser ces endroits-là en général. Alors, c'est possible que ce soit équivalent au final. Je vais dire vrai, que c'est équivalent. Tu penses que c'est vrai? Ah, on a beaucoup de propositions. Je suis super contente de toute cette activité de Ouais, commentaires, chers trop auditeurs. chouette. Ça fait plaisir. On va commencer par Astrée. Moi, je dirais que c'est faux. Tu penses que c'est faux? Donc, tu n'es pas d'accord avec Marine. Félix. Même si c'est contre-intuitif, j'ai l'impression que le chiffre d'affaires est plus grand chez les femmes pour les rasoirs. D'accord. Ok, Peut-être donc tu que je dirais me demande si faux, les mais à rasoirs... l'inverse. Ouais, je me Ouais. demande si les rasoirs féminins coûtent plus cher ou pas. Je sais pas du tout. Bien vu, c'est vrai que là, on parle du chiffre d'affaires, pas du volume. Donc, Ouais. ça pourrait avoir un impact. On va le savoir dans un instant, Louis. Est-ce que tu peux répéter la question? Parce que du coup, j'ai oublié. Alors, peut-être qu'entre-temps, tu l'as eu, c'était le marché du rasoir féminin a le même poids que le marché du rasoir masculin en termes de chiffre d'affaires. Ça serait pareil en termes de chiffre d'affaires pour la vente de lames et rasoirs, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Moi, je Juliette? dirais que on vend plus de rasoirs, tout ça, auprès des femmes. Donc tu es d'accord avec Félix? Moi, je dirais oui. Pourquoi? Grâce à la taxe rose. Ah, la taxe rose, si je ne m'abuse, c'est le fait que nous, les femmes, nous payons plus cher des produits qui, au final, existent aussi pour les hommes. Mais dès que c'est Ah, packagé bah pour une voilà. femme, que c'est rose, etc., bam, on aurait tendance à payer plus cher, nous, les femmes. Ouais. Louis? Ah non, du coup, oui, merci, t'as répété. Donc, non, moi, je dirais que le marché féminin l'emporte sur le marché masculin, quand même. Ah ouais. Parce que elles ont, Marché vous avez les féminin. jambes, les aisselles, machin, le maillot à épiler. Donc, je me dis, vous avez plus de surface que nous. Quoique, maintenant, Ouais, je sais pas. mais on le fait moins souvent. Enfin, je sais pas. Pardon, ça a coupé. Juliette? Je dirais donc plus pour les femmes. Parce que je pense qu'il y a plus de femmes qui achètent des rasoirs que des hommes qui en achètent. Parce que je pense à tous ceux qui sont imberbes, par exemple, ou qui touchent pas leur barbe, je sais pas. C'est vrai. Pardon, après Astrée? réflexion, je dirais que c'est vrai, c'est égal, égal. D'accord. Alors, ce qui est super drôle, c'est que on a beaucoup de personnes là qui se posent la question du fait que ce soit le marché féminin qui soit supérieur au marché masculin. Moi, intuitivement, c'était plutôt l'inverse. Je me disais, est-ce que Ouais, moi c'est aussi. égal ou est-ce que le masculin va L'emporter. dépasser? Et donc, alors, dernière Moi, intervention, je dis Astrée? soit pareil, soit plus pour les femmes, parce que aux États-Unis, par exemple, elles se rasent beaucoup les jambes et tout ça. Enfin, je crois que c'est pas pareil partout. Ah oui, alors Ah. j'ai oublié de vous préciser, là je parle du marché français et en Ah. l'occurrence je me suis basée sur les chiffres de 2018. Eh bien non, je suis navrée. C'est l'inverse, c'est bien le marché des hommes au niveau des lames et des rasoirs qui l'emporte largement sur le marché des femmes. Ah ouais. Petit chiffre, pour les hommes, ça a généré 308 millions d'euros, tout ce qui est vente de lames et de rasoirs, pour les hommes donc. Pour les femmes, 67 seulement Ah millions d'euros. ouais? Donc, 308 pour les hommes, C'est énorme toute la 67 pour différence. les femmes. Mais oui, c'est donc 5 fois plus, hein, quasiment. 4 fois et quelques plus pour les hommes. Donc là, oui, c'est du coup, c'est rigolo. Puisque là, on a eu un petit flop Eh général. ben, Oui. quand même, tu vois, ben, j'aurais pas imaginé pour le coup. Alors, à mon avis, en termes d'explication, je dirais que c'est le fait que, en fait, nous, au niveau de la fréquence, quand on parle de rasage corporel, on va peut-être pouvoir se permettre une fréquence bien plus faible qu'un Oui, c'est homme qui ça. doit, pour le travail, le faire tous les jours. Donc, en termes de rotation des appareils et des lames à racheter, je pense que les hommes, ils sont obligés d'en acheter très régulièrement. Est-ce que les hommes qui nous écoutent pourraient nous dire à quelle fréquence ils doivent acheter, une lame de rasoir, en fait? Je suis choquée. Juliette? Je me demande si les femmes prennent pas plus des rasoirs moins chers que les hommes. Ils ont l'air plus Aussi. sophistiqués, leurs rasoirs. C'est tout à fait possible. C'est vrai que pour le corps, nous les femmes, on peut peut-être plus se contenter, je pense à la marque Bic, par exemple, de rasoirs Ouais. assez faciles. Toi, Marine, tu utilises, est-ce que tu utilises des produits de rasage ou pas? Bah non, moi je m'épile donc j'achète plus du tout de Oui, rasoir, voilà. mais quand j'en Bah, achetais c'est au tout ça. début, c'était Bic, hein, oui. Ou alors les rasoirs que je volais à mon père. Mais Discrètement. c'est ça, D'accord. hop, c'est gratuit. Ouais. Mais voilà, là, tu viens de dire un point très, très important. Beaucoup de femmes qui passent à l'épilation ne veulent plus entendre parler du rasoir parce qu'on nous fait de la prévention sur le fait que un rasage va rendre les poils beaucoup plus drus, etc. Ouais. On en parlera, je pense, avec Astrée dans un prochain live, puisque Astrée voulait Ah. absolument faire le thème épilation. Muski? Ah, tu nous as eu avec ta question. On pensait que c'était une Ouais. réponse évidente et en fait, on a trop réfléchi. Mais en vrai, pour Ouais. répondre à toutes les personnes qui disaient oui, les femmes s'épilent beaucoup plus. Bah oui, mais sauf que nous, on a d'autres moyens pour s'épiler. On n'a pas que les rasoirs. Les hommes n'ont que les Tout à rasoirs fait. généralement. C'est vrai. Alors, Muski, si tu écoutes mon dernier live avec Léo, là, on parlait d'une alternative au rasoir, puisque Léo s'épilait la barbe. Donc, tu vois, ça va peut-être se développer et c'est aussi une alternative. Mais bien sûr, la tendance générale, c'est évidemment le fait que nous souffrons plus, les filles. Bah, la Louis? fréquence, pour le coup, bah, je prends des rasoirs jetables, du coup, j'achète un paquet tous les 8 jours. Tous les 8 ou Ah, tous les 12 d'accord. jours, parce qu'ils sont vendus par paquet Ah, 8 ou 12. Voilà. d'accord. Donc là, toi, c'est pour. Ouais, vu que c'est jetable, c'est peut-être un peu différent, mais c'est quand même. Ah, c'est quand même une. Ah, du coup, ça veut dire, si je comprends bien, que Louis utilise un rasoir, pardon, par rasage. Ouais. Donc là, c'est vrai que c'est sacrément. Ça fait une sacrée fréquence, en effet. Et dans Et ce nous cas, avons j'ai deux Marine. questions Ouais? à la... Pardon. Ouais? À laquelle J'écoute. Louis pourra peut-être répondre. Un, est-ce Ouais. c'est pas possible de réutiliser un même rasoir plusieurs fois? Et deux, est-ce que c'est possible de le remplacer par des rasoirs ou des tondeuses électriques ou ça fait pas du tout les mêmes effets Voilà. Ah oui. À mon avis, ce qui plaît à Louis, c'est le côté pratique et pas trop cher à l'unité, j'imagine. Mais peut-être que Louis peut nous donner son avis à ce sujet. C'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités, enfin plusieurs arguments possibles à l'utilisation d'un rasoir jetable. Alors, on a Marine qui nous rejoint. Salut Marine. Beauté et stress, imagine Marine. Mais du coup, c'est moi qui suis belle et stressée, ou est-ce que je dois imaginer que je vais être belle et stressée? Et oui, c'est vrai que tu as le même prénom que ma belle invitée Marine. Eh bien, Marine Bis, auditrice, tu peux aller voir la photo mystérieuse de Marine que nous avons un peu imaginée tout à l'heure sur mon Instagram, Beauté Imaginée. Muski? Ah, mais donc du coup, moi j'aurais une question en beauté imaginée, même si c'est un peu hors émission. J'aimerais avoir ton avis sur les femmes qui se rasent le visage. Je sais pas si tu vois, genre le petit truc là avec une seule lame que tu frottes qui est tout petit. J'aimerais avoir ton avis. Parce que moi, franchement, ça me ferait super peur. J'aurais trop peur d'avoir des poils qui repoussent dru. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Parce que ce serait des poils différents. Parce que non, du coup, ce serait du duvet et non des poils. Enfin, je sais pas. J'aimerais avoir ton avis. Eh bien, Muski, moi, spontanément, ayant eu une formation dans l'esthétique notamment, j'aurais tendance à dire qu'il y a un gros risque de rendre le duvet un petit peu plus dru à force de rasage répété. Donc, spontanément, ça m'inquiéterait plutôt d'utiliser cette technique-là. J'ai déjà eu des anecdotes dans ce sens, hein, de personnes qui ont voulu raser un petit duvet et qui après se sont retrouvées un peu coincées à devoir épiler longtemps ou quoi. Maintenant, c'est tout à fait un sujet sur lequel je peux me renseigner prochainement, pour la prochaine fois, voir si je trouve quelques infos. Merci, Muski. Alors, Louis? la première question, du coup, je te réponds. C'était quoi déjà? Merde. Alors, ah oui, bah, alors, est-ce que oui, Après, t'en es c'est convenu? des bics que j'utilise. Je peux pas les réutiliser parce que, en fait, une fois que j'ai fait un rasage avec un rasoir, la lame elle devient complètement tordue et du coup, si je réutilise Ah. le rasoir, Ah, ça va me ok. couper et ça va être horrible. Ah Donc, du coup, je suis oui. obligé de changer à chaque fois. Et D'accord. après, oui, il y a d'autres alternatives. J'en utilise pas spécialement parce que voilà, je pris le truc le plus simple. Mais en vrai, il y a comme pour les femmes des rasoirs où tu peux changer juste les lames, mais ça coûte quand même assez cher. Ou sinon, tu as le One Blade qui permet par exemple de faire un rasage de près sans tous ces produits-là. Voilà. Ok. Merci Louis d'avoir répondu Merci pour la à nos réponse, oui. interrogations. Ouais, donc soit tu utilises en fait un rasoir jetable et du coup il va vite s'abîmer, donc hop, t'es dans une consommation plus, enfin accélérée. Soit tu vas investir dans un rasoir un peu plus quali et dans ce cas-là tu vas mettre le prix, mais tu auras de toute façon des lames à racheter de temps en temps. Tout ça fait que le marché des rasoirs masculins est bien au-delà du marché des rasoirs féminins. Et merci beaucoup de votre participation, c'est vraiment très, très sympa quand c'est dynamique comme ça. En tout cas, pour ce quiz vrai-faux, j'ai utilisé plusieurs sources. Psychologie.com, les Apicuriennes, Cosmétiques Bio sur Mesure et le dermatologue Didier Cousteau dans une de ses interventions, interviews. Ça t'a plu? Tu as appris des choses, Marine, sur le stress et la Ouais, beauté? vraiment super intéressant. Et puis toutes les choses avec les hormones, les à Ah quel oui. point ça a un impact sur la peau, ouais, c'est très intéressant. Top. Bah, ravi. Bah, c'est en tout cas bientôt la fin de notre live, du coup, stéréo beauté imaginée. Chers auditeurs, si vous avez des dernières remarques ou questions, c'est le moment. Marine, pour finir, j'ai une question pour toi. Pour le prochain live de vendredi, en l'occurrence, il y a un mécanisme de cosmétique, peut-être, ou une réaction de la peau que tu aimerais que j'explique dans ma prochaine rubrique, les 3 belles minutes scientifiques. Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, tout à l'heure, on parlait un petit peu des pellicules et du coup, j'aurais aimé Ouais. savoir mieux comment elles apparaissent et surtout Comment s'en débarrasser, mais avec des produits naturels, enfin pas trop agressifs, parce que je sais que moi, quand j'en ai, j'utilisais un shampoing Head and Shoulders, là, mais après l'avoir noté sur Ouais. les applications, c'est vraiment pas terrible, quoi. Donc voilà, une technique pour s'en débarrasser, mais D'accord. sans agresser trop le cuir chevelu. Et a priori, tu aurais plutôt des pellicules grasses ou sèches? Sèche. T'aurais tendance... Plutôt sèche, ok, parce que c'est vrai que là, il va y avoir une distinction entre les deux. Ok, super Ouais. intéressant. Et bah, vendredi, j'essaierai de donner une explication sur ce mécanisme. Alors, nous avons Ok. Oui, je Juliette. confirme, c'était très intéressant. En plus, le stress, ça concerne tellement de personnes. Ah, c'est Oui. sûr. Ouais. Qui pourrait prétendre ne jamais être stressé? Je ne sais pas. Peut-être après beaucoup d'entraînement, de yoga, d'introspection à Super stress. intéressant comme live et c'était cool parce qu'il y avait plein de participation. Ouais, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci Marine de m'avoir accompagnée et répondu. Bah, merci à toi de m'avoir reçu, ça m'a fait très plaisir. Ah, c'était très, très instructif et intéressant d'avoir ton témoignage. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés et d'avoir imaginé ma belle invitée Marine ce soir. Si pour mon prochain live, vous avez une idée de question beauté décalée, pourquoi pas poser à mon invitée, n'hésitez pas à me la proposer. Et si vous voulez un soir être mon invitée, faites-moi signe. Vous pouvez me contacter sur mon Instagram, beauté imaginée, sans accent et avec le tiret du 8 entre les deux mots. Nous avons Louis. Merci, c'était au top, c'était un super live comme d'hab. Gros bisous à tous! Merci Louis, gros bisous également et à très bientôt pour ton interview vendredi de la semaine prochaine. On se retrouve dans un premier temps vendredi prochain, là à 20h45, avec ma prochaine invitée Camille pour un live sur le thème du maquillage et de la pression sociale. À bientôt Oh. pour un prochain live sur Stéréo de Beauté Imaginée. Marine, tu seras À avec bientôt. nous pour nous écouter? Bah oui, j'espère. En plus, c'est un thème très C'est. intéressant qui sort un peu juste de la beauté plus actualité, société. Super. Ouais, top. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci, salut.